Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le siège de Waco et sa fin tragique en avril 1993. I, David Koresh, agree upon the broadcasting of this tape to come out peacefully with all the people. Cerné par les forces de l'ordre, le leader de la secte des Davidiens, David Koresh, s'engage à sortir de son refuge avec tous ses disciples si son message évangélique est entendu à la radio. David Koresh ne tiendra pas parole et le FBI donnera l'assaut quelques semaines plus tard sur la propriété des Davidiens de Mont Carmel, près de Waco, le 19 avril 1993. Cette intervention met fin à un long siège qui aura duré 51 jours. Le siège de Waco se conclura par un incendie tragique qui coûtera la vie à David Koresh et plus de 70 de ses disciples. Professeur David Huber, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Monsieur Huber, de quoi ça a l'air à Waco aujourd'hui? Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un siège avec des morts qui se déroule à 16 kilomètres de chez vous? Ah oui, depuis hier, enfin, on l'entend de la radio, mais... Mais écoutez bien, c'est pas vraiment, ça se passe pas vraiment à Waco, n'est-ce pas? C'est plutôt, c'est même pas dans la banlieue, c'est dans la campagne. C'est assez isolé là-bas. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a ni arbres, il n'y a ni, enfin, forêt, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette secte, les Davidians? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont installés près de Waco? Ils sont là depuis 1930. Alors, ça fait presque 60 ans qu'ils sont là. Alors, à quoi est-ce que vous attendez comme dénouement? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend, bien sûr, de la personnalité de M. Vernon Howe, parce que c'est vraiment un chef qui dirige, n'est-ce pas? Tout le monde lui est obéi. Le leader des Davidians, oui. Il se peut qu'il soit raisonnable parce qu'il a laissé, n'est-ce pas, partir 6 ou 8 enfants, n'est-ce pas, hier soir. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher ou non, si ce sera sans sang ou si ce sera sanglant. Alors, j'ai peur que ce soit violent. Le professeur David Huber au micro de Marie-Hélène Poirier à l'émission Les Actualités, le 1er mars 1993, au lendemain du début du siège de Waco. Pour nous raconter ce triste épisode de l'histoire américaine, je reçois Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire, ce siège de Waco, Karine Prémont, sur ce pays, les États-Unis d'Amérique, et sur cette société, la société américaine? En fait, ça nous dit qu'on est en perte de repère. Ça nous dit qu'on cherche une direction. On se rappelle, à la fin des années 80, début des années 90, c'est la fin de la guerre froide, c'est la fin d'une situation qui encadre à peu près toute la vie sociale et politique aux États-Unis depuis des dizaines d'années. Et là, on est devant un peu l'inconnu. Et c'est un pays qui, on le sait, a une culture des armes à feu très importante. C'est un pays où la religion est fondamentale, mais c'est un pays aussi qui cherche un peu ses repères. C'est une jeunesse qui est un peu désabusée et qui va essayer de trouver refuge dans toutes les solutions faciles qui sont à sa portée. Et tous ces ingrédients sont dans ce drame qui se prépare à Waco. Ce qui va conduire, évidemment, à ce siège, c'est ultimement l'emprise que va avoir un homme sur ses disciples, sur sa secte. Cet homme, c'est Vernon Howell, alias David Koresh. Qui est-il? Vernon Howell, c'est un jeune homme qui est né au Texas, qui a eu une enfance plutôt difficile. Il est né, quand il est né, sa mère avait à peine 14 ans. Son père avait déjà quitté le foyer. Alors, il a été placé chez sa grand-mère pendant les jeunes années de sa vie. Il affirme avoir été victime d'abus sexuels de la part de jeunes garçons de son école. Il affirme avoir été maltraité, intimidé, etc. Au début, pour se sortir un peu de ses difficultés, il va se tourner vers la musique. Il va apprendre la guitare, il va chanter, il va avoir des ambitions musicales. Il va d'ailleurs se rendre jusqu'à Hollywood, en fait, pour essayer de percer. Ça ne marchera pas. Il va essayer de partir sa propre compagnie de disques. Il va manquer de fonds, il va manquer de ressources. Ça ne marchera pas non plus. Et donc, finalement, ultimement, il se tourne vers la religion à la fin de son adolescence, au début de sa vie d'adulte. Et il affirme, au début de sa vingtaine, être un born-again Christian, donc d'avoir retrouvé sa foi chrétienne. Et va se joindre, finalement, aux Adventistes du septième jour. Il ne restera pas très longtemps dans cette église-là parce qu'il va se faire mettre à la porte, carrément. Ah bon? Parce qu'il va courtiser la fille du pasteur. Il faut dire qu'elle est très jeune. Et ce penchant pour les jeunes filles, en fait, ne va pas le quitter là, de toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il sera expulsé de l'église et va se retrouver lui aussi un peu en perte de repère. Et il va se joindre à ce groupe des Davidiens en 1981. Et comment ça va se passer, en fait, pour lui, dans cette communauté des Davidiens? Bien, Vernon Howell, c'est pas quelqu'un qui est discret, c'est pas quelqu'un qui veut suivre les consignes. Monsieur Howell est plutôt quelqu'un qui aspire à être leader d'un groupe. C'est plutôt quelqu'un qui a une forte personnalité et qui est aussi très sympathique, très charismatique. Il va être très populaire au sein des Davidiens, mais ça va pas très bien se passer parce que au moment où il arrive chez les Davidiens, le groupe est dirigé par Lois Rodden, qui est la veuve de Benjamin Rodden, qui était un des premiers artisans de ce groupe-là. Il y a une centaine d'adeptes qui vit à Mont-Carmel à ce moment-là, qui est le lieu où... La propriété où sont les Davidiens. Et dès son arrivée dans ce groupe-là, Howell va affirmer qu'il est un prophète, il va dire qu'il a des dons de guérisseur, il va emmener large. Et sa popularité, en fait, va le mettre à mal avec le fils de Lois Rodden, George, qui aspire, lui, à prendre la relève quand sa mère va quitter la direction. D'autant qu'il a une liaison avec la mère, qui a quoi, 65 ans à ce moment-là. Il dit que c'est le destin, c'est son destin, c'est Dieu qui veut qu'il soit le père d'un enfant avec Lois, et cet enfant-là sera l'élu. Alors, on peut comprendre que le fils de Mme Rodden ne le prenne pas très bien. Et il y aura confrontation fréquente entre Vernon et George. Et d'ailleurs, George va finir par exiger le départ de Howell par les armes, par la force. On lui dit « Tu quittes maintenant parce qu'on ne veut pas de toi ici. » Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il devient? Où se retrouve-t-il après son expulsion de la communauté des Davidiens? Il va s'installer non loin de Waco. Il va s'installer dans une espèce de camp de fortune. Il va surtout utiliser son temps, son énergie à rassembler des adeptes autour de lui, à avoir un groupe substantiel. Il va faire quelques voyages en Israël également. Il va peaufiner son discours religieux. Et c'est là où il va se présenter comme étant l'instrument de Dieu, comme un martyr qui va mourir pour la cause. Et à partir du moment où Lois Rodden va mourir, ben là, il va décider de reprendre un peu le contrôle de cette secte-là. Et ça ne se passera pas très bien. Non, parce que là, on est vraiment, à ce moment-là, il y avait déjà un premier rendez-vous avec le fils de Lois Rodden, mais là, quand il décide de revenir dans la communauté des Davidiens, on est franchement et carrément dans une lutte de pouvoir ouverte, là. Oui, parce que George n'a aucune intention de laisser Vernon Howell prendre le contrôle de son groupe. Et d'ailleurs, il va le mettre au défi. Il va dire, tu prétends avoir des pouvoirs de guérisseur, tu prétends être l'incarnation ou l'instrument de Dieu, mais fais-nous la démonstration. Je vais exhumer un corps d'un tombeau et ressuscite-le. Et c'est ce qu'il fait, il exhume un corps. Et Howell, lui, décide d'aller à la police pour dire, ça n'a pas de bon sens. La police lui dit, vous savez, ça nous prendrait des preuves de cette exhumation-là, on ne peut pas vous croire sur parole. Et c'est comme ça qu'étrangement, Howell en vient à la conclusion que pour trouver des preuves, il faut monter sur pied un raid sur Mont-Carmel pour prendre des photos. Donc, avec 7 de ses adeptes, ils sont lourdement armés, il faut le dire. Le rapport de Howell avec les armes est assez particulier. Ils sont lourdement armés. Ils vont se rendre, ces 8 individus, à Mont-Carmel et vont, tenter de prendre des photos. Une fusillade va éclater, évidemment. Ils seront arrêtés. Ils seront accusés de tentative de meurtre. Mais ils vont s'en sortir en disant, nous n'allions là, en fait, que pour prendre des photos. On manque de preuves. C'est un peu la confusion entre les témoignages de George Rodden, qui est légèrement blessé par ailleurs dans cette fusillade. Alors, tout ça va s'arrêter essentiellement là. Mais il réussit, ultimement. Comment réussit-il son coup à revenir, donc, à Mont-Carmel et à devenir le nouveau leader de cette communauté des Davidiens? Parce que Rodden va finir par tuer quelqu'un. Ah donc, bon? C'est une histoire qui est déjà particulière. Il va tuer un type qui est dans le groupe, qui est dans les Davidiens, qui se prétend lui aussi Messie. Rodden l'assassine. Il va aller en cour et sera finalement incarcéré dans un hôpital psychiatrique. Il va mourir d'ailleurs dans cet hôpital en 1999 et n'en sortira jamais. Alors, c'est comme ça que Vernon Howell va pouvoir revenir à Mont-Carmel en messie, effectivement, en sauveur. Il va en devenir le leader très rapidement parce que il va payer les taxes foncières pour s'assurer du contrôle de la propriété. George Rodden avait négligé de le faire pendant de nombreuses années. Et c'est là où il va changer son nom. Mm-hmm. Donc, au mois d'août 1990, Vernon Howell devient David Koresh. Pourquoi? parce que Koresh, c'est le nom persan pour Cyrus le Grand qui a libéré le peuple juif de Babylone autour des années 540. Alors pour lui, c'est une incarnation d'un esprit fort, de quelqu'un qui est le sauveur, le libérateur. Et c'est comme ça qu'il va incarner cette personnalité-là. Et c'est de cette façon-là qu'il va asseoir son règne sur les Davidiens. Il est là, quoi, à peu près 4 ans là, à la tête des Davidiens. Comment ça se passe, ces 4 années pour cette communauté sous les bons auspices, entre guillemets, de David Koresh? Ces bons auspices ne sont pas du tout bons, en fait, on peut l'imaginer. D'abord, il y a le problème des mœurs de Koresh, on en a parlé. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les très jeunes filles. Il est marié à Rachel Jones, mais il aurait néanmoins des relations sexuelles avec de très jeunes filles, dont la sœur de 13 ans de Rachel, une autre fillette d'à peu près 10 ans. Il s'auto-proclame marié avec des femmes qui le sont déjà. Il y aurait une douzaine d'enfants avec des femmes différentes. Donc, ces mœurs dissolues font l'objet de plaintes de la part d'anciens adeptes qui ont quitté le groupe, qui vont s'en plaindre aux autorités. Et il y aura d'ailleurs des enquêtes du Congrès du Texas sur ce groupe-là, notamment en 92 et aussi en 93, de quelques semaines avant le début du siège, sur ces mœurs, sur aussi des possibilités d'abus physiques, d'abus psychologiques à l'égard des enfants. Mm-hmm. Il y a des gens qui témoignent que Koresh aurait physiquement tabassé ses propres enfants, mais aussi d'autres enfants. On parle aussi d'accusations de servitude. On forcerait les gens en esclavage. Donc, toutes ces accusations-là tournent autour de Koresh, de la secte, et c'est ce qui va amener les autorités là, à s'intéresser plus près à ce groupe. Les taux se resserrent petit à petit autour de lui. C'est le 28 février 1993 que là, vraiment, ça va complètement... En fait, que ça va commencer à basculer pour David Koresh. On écoute le journaliste Claude Gervais décrire la scène conduisant au début du siège de Waco. Ce siège a débuté dimanche, quand des agents spéciaux du FBI ont tenté de perquisitionner les lieux à la suite de plaintes signalant des actes de brutalité contre des enfants. Armés jusqu'aux dents, les agents fédéraux avaient tout prévu, sauf de devoir faire face à une puissance de feu supérieure à la leur. Résultat, 4 policiers et 2 membres de la secte tués. Depuis, 400 agents spéciaux, des véhicules militaires, des hélicoptères encerclent les lieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en a un petit aperçu, Karine Prémont, mais qu'est-ce qui se passe le 28 février 1993? Le 28 février, c'est le Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs, l'ATF des États-Unis, du gouvernement fédéral, qui va se rendre à Mont-Carmel avec des mandats de perquisition parce qu'on soupçonne effectivement des abus particuliers, on en a parlé, mais surtout on soupçonne que le groupe détient un bon nombre d'armes à feu de façon illicite, de façon illégale. Alors on va aller perquisitionner pour trouver ces armes-là. Et c'est comme ça qu'on se rend, évidemment, à Mont-Carmel. Koresh va refuser de laisser entrer les agents et c'est là que la fusillade va éclater. Donc, les agents vont tirer sur les Davidiens tirent sur les agents et il y a des morts des deux côtés. Il y a une vingtaine de blessés également. Et à partir de ce moment-là, bien, c'est le FBI qui arrive, qui prend la relève. C'est la procédure normale. Et là, on emmène les négociateurs et c'est le début de ce long siège de Waco. Ouais. Et de fait, ils vont apprendre, les agents du FBI, puis les autorités qui cessaient dans cette entrée, ils veulent en fait pénétrer dans la propriété de Mont-Carmel le 28 février 1993, ils vont apprendre qu'effectivement, Koresh est très lourdement armé, qu'il n'a pas du tout l'intention de se laisser intimider par les autorités. On écoute une vidéo qu'il destine aux autorités, aux agents du FBI, une vidéo qu'il enregistre tout de suite après cet échec de l'opération du 28 février 1993. Vous allez voir, le message, il est assez clair. This is my family, and no one's going to come in on top of my family and start pushing my family around. It's just not going to happen. It ain't going to happen. You come point guns in the direction of my wives and my kids, damn it, I'll meet you at the door any time. And I'm sorry some of you guys got shot. But, hey, God will have to sort that out, won't he? David Koresh, qui donc se dit désolé que certains policiers soient morts dans l'opération du 28 février 1993, mais vous l'entendez, il envoie aussi un message très, très clair. Il ne laissera personne pointer une arme sur sa famille et sur la communauté de Mont-Carmel. Comment vont réagir les autorités? Le FBI, qui prend le relais à ce message très, très clair de David Koresh. Puis comment, au fond, Karine Prémont, vont se dérouler les semaines qui vont venir et qui vont constituer ce long siège de 50 jours? Ça va être plutôt compliqué parce que on l'a entendu, le message de Koresh est plutôt clair et il faut savoir qu'il a développé un discours anti-gouvernemental extrêmement fort dans les semaines qui ont précédé Et c'est ça qui va servir de moteur d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il dit, vous n'entrerez pas chez moi. Je ne reconnais pas la légitimité de ce gouvernement ni de ses institutions. Alors, c'est ça qui va être au cœur des discussions. Et ça va être difficile, effectivement, de convaincre Koresh. Les négociations vont être longues, infructueuses, parce que Koresh promet de se rendre, de libérer des gens, finalement se rétracte, donne plusieurs échéanciers qu'il ne respecte pas. Et ça devient compliqué aussi par son espèce de monologue religieux, mystique, extrêmement lourd. Et d'ailleurs, un des négociateurs du FBI, Byron Sage, va dire que c'est à peu près impossible de négocier avec Koresh parce qu'il pensait qu'il était Dieu. Comment vous voulez négocier avec quelqu'un qui pense qu'il est Dieu? C'est pas possible de faire des compromis de son côté à ce moment-là. Alors, le FBI va tenter par toutes sortes de moyens qui sont plutôt des tactiques familières là, pour mettre fin à des sièges, de faire sortir les gens, de faire plier David Koresh, notamment les coupures d'électricité. Et on va éclairer par de grands projecteurs, nuit et jour, les bâtiments. On va faire des appels aux haut-parleurs pour inciter les Davidiens à sortir en disant, mais écoutez, si vous sortez, il ne vous arrivera rien. Et d'ailleurs, Koresh va libérer des enfants, va libérer aussi quelques personnes là, au cours de ce siège-là. Et on va surtout appeler des blindés à se rapprocher progressivement. Donc, à chaque fois que Koresh se rétracte, bien, on fait avancer les blindés. Il y a une espèce de balai comme ça qui s'effectue. Et il y a des contacts aussi physiquement entre Koresh, les négociateurs. On se rencontre, mais c'est toujours très difficile en raison des positions intenables de Koresh, du discours complètement décousu qu'il tient. Et le temps passe et rien ne se passe, justement. On n'aboutit à aucune solution. Ce qui fait que le politique va s'en mêler à un moment donné. À quel moment le niveau politique commence à se mêler de l'affaire? On va commencer à monter les échelons en mars 93, donc quelques jours, quelques semaines après le début du siège. Il faut dire aussi que le FBI est un peu au bout de ses ressources parce que, selon les estimations, on pensait que les Davidiens avaient des vivres pour tenir un an. On savait qu'ils étaient lourdement armés et on savait surtout que tout ce que le FBI faisait, en fait, renforçait l'emprise de Koresh sur ses adeptes et prouvait justement cette menace gouvernementale. Oui. Alors, on était dans une impasse. Et en mars 93, ben, faut se rappeler que c'est le nouveau président Clinton qui arrive à la Maison-Blanche en janvier. Donc, en mars, c'est la procureure générale des États-Unis, Janet Reno, qui est assermentée et qui apprend ce qui se passe à Waco. On l'informe de la situation et elle se tient au courant. Pour l'instant, elle n'intervient pas. Elle dit au FBI, écoutez, il y a des enfants là, il faut essayer de les faire sortir. Et à la fin du mois de mars, le FBI va lancer un ultimatum à Koresh qu'il ne respectera pas. Koresh va couper les communications complètement. Et donc, il y a encore une fois une panoplie de messages contradictoires là, pendant deux semaines encore qui vont se produire jusqu'à temps que Janet Reno se laisse convaincre par le FBI qu'il n'y a pas d'issue. Les négociations sont impossibles avec Koresh et donc il faut entreprendre une action musclée. Elle va en aviser le président Bill Clinton le 18 avril. Donc, le plan existe. On attend encore un peu. Mais en fait, le lendemain, le président est avisé le 18 avril. Le lendemain, le FBI va frapper. Qu'est-ce qui, au fond, est l'élément déclencheur qui fait que le FBI décide de passer à l'action, de donner l'assaut final le 19 avril? C'est vraiment le dernier contact qu'ils ont eu avec Koresh, cet ultimatum qu'il n'a pas respecté, cette promesse qu'il avait faite de laisser sortir les gens à Pâques, où... Et c'est toujours le « où » qui est difficile à interpréter, ou lorsque j'aurai terminé d'écrire le manuscrit religieux que je veux écrire. Ouais. Donc, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de fin à ça, qu'il ne cherche qu'à gagner du temps. Et le FBI se dit « je ne vois pas comment on peut mettre fin à ça ». Les négociateurs disent « nous ne voyons pas comment on peut mettre fin à ça au-delà de rester assis sur le devant de Mont-Carmel et attendre que les gens sortent. Il faut faire quelque chose absolument ». Et comment ça va se passer, cette opération du 19 avril? Ça va se passer plutôt violemment, on peut l'imaginer, parce que Koresh n'est absolument pas coopérant et on l'avise qu'il y aura cet assaut. On fait des appels une dernière fois aux gens en disant « sortez, nous allons maintenant passer à l'action, il n'y a rien qui se passe ». Alors, au petit matin, le FBI va lancer des gaz lacrymogènes à l'intérieur des bâtiments du Mont-Carmel. Et à partir du moment où les gaz entrent dans les bâtiments, les Davidiens vont tirer sur les agents du FBI. Trois foyers d'incendie vont être allumés également sur la propriété, allumés par les Davidiens, on l'imagine, mais on verra aussi que les gaz alimentent aussi un peu ces foyers. Quand les pompiers arrivent, très rapidement, il y a des bâtiments qui s'écroulent, dont la tour centrale, la chapelle. Et ce sera la fin, à ce moment-là, du siège de Waco. Et la fin de ce siège, c'est évidemment cet incendie que vous décriviez, Karine Prémont, en ne quittant pas l'immeuble en feu. Les adeptes de David Koresh vont commettre une manière de suicide collectif. C'est en tout cas comme ça que ça va d'abord être interprété, ce qui se passe à Waco ce jour-là. On écoute le journaliste Jay Root d'abord, à propos justement de cet assaut final du FBI à l'émission Le Point, le 19 avril 1993. Il y avait une quarantaine d'hommes très armés. Et qu'après, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de mères, beaucoup de jeunes de 16 ans, de 20 ans, de 30 ans, qui n'étaient pas forcément violents, qui n'étaient pas, on dirait pas en fait que ces gens-là pourraient se tuer en ce qui paraît maintenant un suicide collectif. Le président Clinton, prévenu à l'avance, n'a pas lui-même pris la décision de l'assaut. C'est Janet Reno, son procureur général, qui l'a prise. Et elle en assume la responsabilité totale. Elle avait bien envisagé le suicide collectif, mais, sur la foi d'experts, l'avait jugé hautement improbable. Obviously, if I thought the chances were great of a mass suicide, I would never have approved the plan. Sinon, dit-elle, elle n'aurait jamais approuvé le plan. Pour l'instant, à Washington, l'humeur est plutôt à la consternation, mais ça ne va pas durer. La première chose qu'on va faire, c'est remettre en question le jugement de la police et du procureur général. Et déjà au Congrès, on réclame une enquête. Jean-Michel Leprince à Washington. Et de fait, Karine Prémont, quelles seront les suites sur le plan politique de cette affaire de Waco et de cette fin tragique à Waco? On va établir, évidemment, une enquête pour essayer de déterminer est-ce que le FBI, effectivement, a bien travaillé, est-ce que les agents gouvernementaux ont fait leur travail. Ils seront lavés de tout soupçon, ces agents. On va dire que, bon, il y a certains qui auraient pu être plus prudents dans la façon dont ils ont manipulé les gaz parce qu'on pense qu'ils ont pu alimenter les foyers d'incendie. Mais en même temps, il a été établi que les gens avaient eu amplement le temps de quitter les lieux avant que les bâtiments s'effondrent. Donc, entre le moment où les gaz ont été lancés et que les bâtiments s'effondrent. Alors, à ce moment-là, ben, on se dit qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Le FBI va s'en tirer sans trop d'écorchure. Le problème, évidemment, se déplace au niveau politique parce qu'on va accuser Bill Clinton de négligence, on va accuser Janet Reno. Mais encore une fois, on est dans une époque où il y a une forte polarisation à Washington. Mm-hmm. Alors, c'est difficile de faire la part des choses en termes de responsabilité. Et ce siège de Waco, qui se termine donc le 19 avril 1993, va connaître un épilogue qui va s'écrire à Oklahoma City en 1995. Quel lien y a-t-il entre Waco en 93 et Oklahoma City en 95? Le 19 avril 1995, c'est le deuxième anniversaire de la fin du siège de Waco. Et Timothy McVeigh et Terry Nichols vont faire exploser un bâtiment fédéral à Oklahoma City dans lequel il y aura des centaines de morts. Et ils l'ont fait en réponse à Waco. D'ailleurs, Timothy McVeigh était sur le site du siège. Il a distribué des tracts anti-gouvernement. Il a distribué des tracts pro-armes à feu en soutien à Koresh. Et donc, le dénouement final aura lieu 2 ans plus tard. De fait, l'immeuble qui est visé à Oklahoma City, c'est l'immeuble où se trouvent les principales agences fédérales qui étaient responsables, en fait, ce qui deviendra le siège de Waco. Karine Prémont, merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.